بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les vents qui éparpillent, فالحاملات وقرا par les porteurs de fardeaux, فالجاريات يسرا par les glisseurs agiles, فالمقسمات أمرا par les distributeurs selon un commandement. إنما توعدون لصادق ce qui vous est promis est certainement vrai. وإن الدين لواقع et la rétribution arrivera inévitablement. والسماء ذات الحبك par le ciel aux voies parfaitement tracées. إنكم لفي قول مختلف. Vous divergez sur ce que vous dites. يؤفك عنه من أفك. Est détourné de lui quiconque a été détourné de la foi. قتل الخراصون. Maudits soient les menteurs. الذين هم في غمرة ساهون. Qui sont plongés dans l'insouciance. Ils demandent à quand le jour de la rétribution ? Le jour où ils seront éprouvés au feu. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Goûtez à votre épreuve, punition. Voici ce que vous cherchiez à hâter. إن المتقين في جنات وعيون. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ils dormaient peu la nuit. وبالأسحار هم يستغفرون. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. وفي الأرض آيات للموقنين. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham ? Quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il leur dit « Paix, visiteurs inconnus ». <t'en> Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite il l'approcha d'eux. « Ne mangez-vous pas ?» dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur » et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit : une vieille femme stérile. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ils dirent, « Ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » Alors Abraham dit, « Quelle est donc votre mission, ô envoyé ?» Dire, nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Il y a même un signe en Moïse quand nous l'envoyâmes, avec une preuve évidente vers Pharaon. Mais celui-ci se détourna confiant en sa puissance et dit : c'est un magicien ou un possédé. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Nous le saisîmes ainsi que ses troupes, puis le jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. De même pour les Hades, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur. N'épargnons rien sur son passage sans le réduire en poussière. De même pour les Tamouds, quand il leur fut dit « Jouissez jusqu'à un certain temps. » Ils défièrent le commandement de leur Seigneur. La foudre les saisit alors qu'ils regardaient. Ils ne purent ni se mettre debout ni être secourus. De même pour le peuple de Noé auparavant. Ils étaient des gens pervers. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ainsi aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. فتول عنهم فما أنت بملوم. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé à leur sujet. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ceux qui ont été injustes auront une part de tourment pareille à celle de leurs compagnons, qu'ils ne soient pas trop pressés. Malheur donc à ceux qui ont mécru à cause du jour où ils sont menacés.